le Bénin, symbole d'une brillante civilisation authentiquement africaine, dans un cadre géographique précis et dans des conditions historiques déterminées, ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples d'Afrique. C'est pourquoi, à compter de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, le peuple militant de notre pays prend l'engagement solennel de perpétuer dans les conditions historiques nouvelles et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme, cette civilisation pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Il nous plaît de vous annoncer avec une foi et une conviction authentiquement révolutionnaire la création, en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est un parti révolutionnaire de type nouveau, le parti d'avant-garde de la Révolution populaire du Bénin, le parti de la Révolution populaire du Bénin, est ainsi le parti des masses laborieuses, conscientes et combattantes. Gloire immortelle à la République populaire du Bénin. Gloire immortelle au parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle au socialisme scientifique. Gloire immortelle au marxisme-léninisme. Prêt pour la révolution et la révolution. Donc, l'histoire va son chemin et l'on voit se mettre en place, Elikiam Bokolo, tous les éléments qui vont conduire à la radicalisation du système. En effet, on assiste bien à une radicalisation, mais dans le cas du Congo et du Bénin, cette radicalisation tient à une histoire particulière. Les deux pays se réclament en effet d'une double révolution. Au Congo, la révolution des Trois Glorieuses, qui a chassé du pouvoir l'abbé Fulbert Youlou en 1963 et qui a été suivie en 1969 par l'adoption du marxisme-léninisme et la création du Parti Congolais du Travail. Au Bénin, le coup d'état militaire du colonel Mathieu Kérékou en 1972, qui a été suivi, comme vous l'avez dit, par l'adoption du socialisme en 1975. Mais c'est probablement en Guinée que cette radicalisation a commencé et qu'elle a trouvé l'une de ses expressions les plus claires. Une intervention en décembre 1983 du président guinéen Sékou Touré devant le 12e congrès du PDG, du Parti démocratique de Guinée, au Palais du Peuple, vient parfaitement illustrer vos propos.